They ran on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. We can't get careless. You say, what is this? Yeah. My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show. You got to go for what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Vous écoutez Boule de rêve, la mission de cinéma d'animation sur Radio Libertaire. La radio de la Fédération anarchiste, 89.4 FM ou sur Internet. Wow, merci beaucoup, vous avez entendu nos deux invités. C'est bien de faire travailler ces invités. On va vous les présenter dans deux secondes. On a Nicolas Tiste de l'équipe qui est là. Nicolas, bonjour. Et Marie-Pauline Mollaret. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Alors, on a... deux invités, on est ravis d'avoir ces invités, d'abord parce qu'elles se connaissent en plus et elles ont fait l'actualité récemment. Rachel Goodgart, que vous avez déjà entendu au micro, et Rachel, quand elle était venue, alors j'ai voulu faire passer un extrait de l'émission, mais non, je ne l'ai pas fait, où elle parlait en anglais, elle nous avait promis que deux ans après, alors, c'est quasiment deux ans, jour après jour, elle parlait en anglais, et là on va faire en français. Oui. Bonjour Rachel. Bonjour et merci pour m'inviter encore pour cette émission aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici avec vous. En deux ans. Oui. Alors... bah, je ne parle pas trop bien, bah, je vais faire beaucoup d'erreurs, mais on va faire aussi un peu de franglish, on dit. Mais oui, on essaie à... Merci beaucoup, en tout cas, de faire ça. Et en effet, s'il y a quelques mots en anglais, on a « et Bouddha Flora Anna ». Bonjour Bouddha. Bonjour Flora. Bonjour. Je suis un peu troublée, il fait chaud. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop contente pour être ici. N'hésite pas à rapprocher ton micro. Ah oui, pardon. Le pied, Nicolas, tu peux aider. Non, ouais. Pas le tien, Nicolas. Ouais, non. Ouais, ok. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Les deux réalisatrices, on présentera un tout petit peu plus. Flora a fait deux films, Entropia et 27, qui les ont déjà, comme je dis, mis dans les grands noms, en tout cas dans les noms importants. On verra à la suite, mais en tout cas, pour l'instant, du cinéma, même tout court, j'ai envie de dire. Hein, on va arrêter de parler de cinéma d'animation. Et Rachel, on avait beaucoup parlé de son parcours avec A Love Letter to the Woman I Made Up et des films avant. Et là, elle nous revient pour Via Dolorosa. Alors, le générique que vous avez entendu est un mélange, c'est des choses qu'on va entendre, dont on va parler un petit peu. Elles sont nées à peu près dans ces eaux-là. Elles naissaient au moment où une grande partie de ces musiques se faisaient. Le premier morceau qu'on a entendu, c'est The Orb, Little Fluffy Clouds, tiré de l'album en 1991. C'était pas encore né, tout juste, enfin voilà. The Orb's Adventure Beyond the Ultra World, c'était le moment où, je n'étais pas les premières rêves parties, mais commençaient à arriver, où il y a eu les Yuppies qui utilisaient la drogue, vous savez, dans les années 80, etc., et que l'électro commençait à devenir... Alors peut-être moins, pas forcément complètement politique, mais il y avait cette idée de fuite en avant, un petit peu, qu'on avait, qu'on retrouve dans Underworld, Born Sleepy Nux, qui est lui sorti en 95, un peu plus tard, en B-side, même si évidemment ce morceau est plus connu notamment pour être dans la BO, un morceau célèbre de Trainspotting, et qui sortira donc ensuite en 96, où on parle évidemment d'alcool et de drogue, des choses dont on va parler aujourd'hui dans les films dont on va parler. Ensuite, on a Public Enemy, Fight the Power, en 1989, tiré aussi d'abord d'un film, Do the Right Thing, de Spike Lee, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez Do the Right Thing, grand film de Spike Lee, avec fait très très chaud et commence à avoir des émeutes et les gens commencent à se voilà comme quoi la fiction qui va se retrouver sur Fear of a Black Planet 1990, donc Public Enemy, groupe très important du rap et notamment du rap politique de la côte Est. Ensuite Nirvana, est-ce qu'il y a besoin de présenter Nirvana, Smell Like Teen Spirits, mai 91, sortira ensuite en septembre 91 sur Nevermind. Groupe évidemment mythique, on parlera de ce qu'est d'être adolescent et peut-être voilà, le changement par la suite. Et on a fini par Love Age, Book of the Month, Love Age, chez monsieur qui s'appelle Dan the Automator, qui a fait cet album-là. Et les deux voix que vous avez entendues, c'est celle de Mike Patton. Mike Patton, c'est Face No More notamment, grand monsieur, et la sublime voix de Jennifer Charles. Et donc les deux font avec Kid Koala aussi, qui était derrière, pour les gens qui ne savaient pas qui était Kid Koala, qui était en jury cette année à Annecy. Ben voilà, maintenant vous savez, Kid Koala est aussi quelqu'un de l'électro-canadien. Donc voilà, on était dans dans toutes ces époques-là, 90-92, où on va parler donc de tout ça, de drogue, de teenager, d'amour, de sexe, enfin voilà, tout ça, c'est des thématiques qu'on va retrouver dans les films. Je vais faire une petite intro très très rapide avant de laisser la parole au disque du mois. Enfin, la personne qui va présenter le disque de moi. Je fais semblant qu'il y a une espèce de suspense. Alors que tout le monde sait qui va la présenter, mais c'est pas grave, j'aime bien ce côté un peu, enfin un peu de suspense. Juste, très rapidement, je vais vous dire, je vous conseille d'aller voir une très belle expo d'une réalisatrice que moi j'aime beaucoup. J'espère qu'on l'invitera à un moment donné, qui s'appelle Marie Larrivée, qui a commencé. Donc, c'est une expo qui est à la galerie Miou, qui devrait. Alors, je fais vraiment mon boulot, c'est là où, heureusement, il n'y a pas Francis Gavel, sinon je me ferai engueuler. Qui doit être jusqu'en juillet, qui va se fermer au mois d'août et qui reprend ensuite en septembre. Donc voilà, il y a tout un. Et c'est très très beau. Enfin, il y a quelque chose de. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle avait fait Noir Soleil. Et cette expo est très belle. Et en fait, je ne dirais pas le nom, mais je l'aime beaucoup. Et puis j'espère qu'elle viendra. Il y a une réalisatrice, à un moment donné, je parle à une réalisatrice, à un étudiant. Et on parle et je disais que je connaissais un producteur. Je lui avais dit, bah tiens, ce qui serait sympa, c'est de faire. T'as deux choses à faire qui seraient intéressantes dans le monde de l'anime, c'est finir le film de Kon Satoshi. Si vous savez, Kon Satoshi, grand réalisateur japonais, est décédé en laissant un film inachevé, un film pour les enfants, ce qui aurait été intéressant de voir, lui qui fait plutôt des films pour adultes, et demander à Yuri Norstein de finir son film. Yuri Norstein, le célèbre réalisateur du Petit Hérisson dans le brouillard, qui est depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant, fait son long métrage, et voilà. Et c'était rigolo parce que la réaction des deux personnes, donc de cette réalisatrice assez connue, qui fait des films avec des insectes, notamment, mais évidemment, si jamais elle écoute, j'espère qu'elle viendra bientôt et qu'elle pourra répondre, elle me dit, mais comment tu peux dire ça? Il faut laisser tranquille maintenant, il faut laisser place aux jeunes. Et je me suis dit, bon, elle n'est pas encore assez vieille pour comprendre que quand on est mis au rencard, c'est pas facile. Et je me trouvais que c'était stupide, en fait, de leur part aussi. Enfin, c'était bizarre de leur part, puisqu'on a de la chance aujourd'hui. On a deux réalisatrices qui font leur premier film professionnel aujourd'hui, qui ont été, on en parlera tout à l'heure, un peu au top, notamment d'un célèbre festival dans le Sud. Et j'ai trouvé ça un peu étrange. Et on me disait, mais les légendes, il faut les laisser. Et en fait, Norstein, c'est une légende. Et en fait, j'étais un peu furieux contre le mot légende. Je trouve que... alors, j'ai regardé la définition du mot légende, parce que je suis avec Pauline, je fais attention, et avec Nicolas. Donc, ces récits à caractère merveilleux, les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique, représentation embellie de la vie des exploits de quelqu'un et qui se conserve dans la mémoire collective, identité fictive, voilà. Et en fait, j'avoue que c'est... Je vous en parle parce que je me suis dit qu'à une époque, on essaie de détruire les statues, on essaie en tout cas, voilà, d'éboulonner les statues, de peut-être essayer enfin de détruire les drapeaux, etc. Il ne faut surtout pas créer des légendes. Et Norstein est tout sauf une légende. C'est un grand réalisateur, il a fait des choses incroyables, comme des réalisateurs qu'on aime bien, mais comme Miyazaki, comme tout ça. Mais les légendes n'existent pas. Et ça m'a paru toujours étrange que des plus jeunes parlent de légendes, parlent de choses comme ça. Et moi, il y a des gens que j'adore, hein, dont j'ai un respect, mais absolument, mais immense. Mais c'est le mot légende qui m'a un peu gêné, comme si d'un seul coup, il fallait que ces gens-là soient plus importants que d'autres. Et donc voilà, donc je voulais dire à ces gens-là que non, il faut détruire, encore une fois, l'idée même de légende. J'ai eu la chance, et je pense que Marie-Pauline, Nicolas ont rencontré des gens, ont interviewé pas mal de gens. J'ai la chance de pouvoir interviewer Norstein, et je peux dire que c'est tout sauf une légende. C'est un monsieur super adorable, vieux monsieur, qui en effet n'a pas envie de finir son film et qui a envie qu'on lui foute la paix et juste de boire des pots avec ses amis. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu ce côté-là qui m'agaçait. Ce petit intro, cette petite intro étant terminée, on va laisser à Nicolas nous présenter le disque du mois. Alors, c'était juste pour vous faire un peu peur et vous dire qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose de changé. Personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Donc évidemment, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. Marie-Pauline, ton disque du mois, on devrait appeler ça, je sais pas, on devrait avoir un mot. The month, the disc of the Marie-Pauline, MPM disc. Of the month, quelque chose, on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose pour la prochaine saison de l'émission. Et bah oui, mais en même temps, franchement, c'était absolument impossible de passer à côté, puisque l'album du mois, il est tout chaud, il est tout beau, il est sorti hier, vendredi 7 juillet, donc c'était quand même in extremis, sinon il aurait fallu attendre la prochaine émission. Voilà, et ce disque du mois, pas de suspense, c'est évidemment le 10e et très attendu album de PJ Harvey, Eye Inside the Old Year Dying, qui est réalisé avec ses collaborateurs de longue date, Food and John Parrish. C'est un album qui réunit 12 titres en apesanteur, qui repousse une fois encore les limites de l'univers intime de la chanteuse, proposant une nouvelle exigence musicale et reposant plus que jamais sur sa voix cristalline et pure. Il nous embarque dans un voyage poétique et comme en état de transe. Alors, on va écouter Lonesome Tonight, qui est le troisième titre de l'album, sous influence folk blues et à l'émotion tout en délicatesse, mais j'ai envie de dire comme tout le reste de l'album, que je vous invite évidemment à écouter. Donc, Nicolas, on écoute Lonesome Tonight, qui s'écrit L-O-W. Il y a un petit jeu. Singing Pardon, on vous dit tout. Et moi, Pauline vient de me lancer un regard absolument incroyable parce qu'elle elle a loupé les places. Si vous avez des places pour PJ Harvey, elle a loupé les places pour PJ Harvey. Et donc, j'ai osé dire ça. Et là, j'ai eu un regard. Si elle avait eu des mitraillettes, comme on dit, je pense que je ne serais pas sorti vivant de ce moment-là. Je préfère vous le dire, ça permet d'étendre un petit peu et de ne pas me... Pardon, voilà, parce que PJ Harvey passe en concert, c'est parti en 30 secondes. Mais j'ai cherché d'avoir des places pour Taylor Swift et pareil. C'est un peu différent, mais bon, tu vois, on se bat pour nos trucs. Allez, on va parler donc avec Rachel et Flora. On va peut-être se débarrasser d'une question. Mes camarades peuvent revenir là-dessus, ils veulent, mais ce qui est hors animation. Vous êtes connus avant de travailler à Miyu avec, sur vos films respectifs. Vous connaissiez avant toutes les deux ou vous êtes connus au moment du film, Rachel? Non. On s'est rencontrés pour la première fois à Miyu, en fait, et au studio à Paris. Et moi, je suis venue à Paris peut-être 2 semaines avant. Et Flora, je pense aussi, le même temps. Oui. Et oui, notre producteur Manu, il m'a dit qu'il y a Flora, qu'aussi elle travaille dans le studio. Et moi, je peux... ouais, il a trouvé une place à côté de Flora. Alors c'était comme dans le crèche que quelqu'un. C'était un peu matchmaking. Oui, ouais, ça marchait de suite. Parce que vous faites un cinéma qui est un peu différent quand même. C'est pas le même cinéma que vous faites. Vous faites un style de cinéma qui est beaucoup plus, je sais pas, viscéral. Enfin, beaucoup plus doux, même si on pourra en parler, toi, Flora. Mais ça a marché. Vous me dites si vous voulez que je dise plus doucement ou qu'on le dise en anglais, non, évidemment, non. Hein, mais voilà. Bon, moi, je pense que les sujets sont similaires. Et nous avons trouvé beaucoup de choses similaires. Je pense que ces nuits-là, c'était pendant le couvre-feu de Covid. On a décidé, c'était génial. On a décidé de rester ensemble. On a dit, moi, je pense que je t'ai dit que on peut faire un petit dîner chez nous. Alors on est allé chez nous à 19e. Là, on a resté pendant toute la soirée. Et bah, cette nuit-là, c'était génial. On a trouvé. C'est normal parce qu'on a un peu la même histoire avec les résidences artistiques à Viborg. On a beaucoup d'amis. Comment? Oui. Je connais beaucoup d'histoires de Rachel avant, mais je n'ai jamais rencontré. Oui. Oui, c'est vrai, moi aussi. C'était par hasard que c'était que à Paris. Bah, c'était pas. Ah, oui. Oui. Alors, vous connaissez notre organisation, donc n'hésitez pas juste à pas lever la main, mais à me dire que vous voulez parler, parce qu'on ne s'organise pas forcément super bien à l'avance, donc Marie-Pauline. Oui, j'avais envie de rebondir et de demander, du coup, pendant le processus de création des deux films, vous avez beaucoup parlé, toutes les deux, de ce que vous faisiez, ou finalement pas tant que ça? Est-ce qu'il y a pu avoir des, je sais pas, une espèce d'émulation entre vous qui a nourri votre façon de travailler? Émulation, vous échange ou d'échange? D'échange, oui, pardon. Je pense que nous avons parlé beaucoup, mais pas surtout d'animation. Non, c'est vrai. On a travaillé ensemble, en fait, pendant tout le tournage, oh, presque tout le tournage, on a travaillé dans la même chambre, dans le même studio, dans le même atelier. Alors, on en parlait, bien sûr, mais c'était pas que sur le film, c'était vraiment sur la vie. Et je pense que ça, peut-être, c'était subconscious. Ouais, c'est intéressant ça, c'est-à-dire finalement ne pas être en direct sur le film, ne pas dire ah bah tiens ce plan-là il me plaît, mais comme vos films parlent évidemment de la vie, de ce qui se passe autour de nous, peut-être de voilà, de toi, encore plus documentaire ou quoi, c'était plus intéressant de finalement pas parler directement du film, mais de tout ce qui est autour. Ça vous a plus parlé, et est-ce que vous avez échangé sur, je sais pas, des références cinéma, musique ou pas trop? Non, c'était toujours, mais c'était pas comme c'était le vie quotidien. D'accord, c'était comme disait inconscient, c'était pas forcément. Oui, on a fait beaucoup de movie nights, des choses comme ça, à Vendôme pendant le cyclique, des choses comme ça. Et ici à Paris aussi, alors on fait des échanges, mais c'est pas. Professionnel, c'est comme c'est la vie ensemble en fait. Et est-ce que vous vous êtes montré aussi au fur et à mesure des images, le film à différents stades ou là non plus pas du tout? Oui, un peu. J'ai vu l'animatique de Rachel et je t'ai montré aussi mon animatique et quelques tests animation, quelques concept art, un peu. Pas très souvent, mais quand nous besoin. Ouais. Mais on sait vous parce que en fait à Cyclic on a travaillé dans la même chambre pendant le début de tournage, on était dans la même chambre et là c'était on a vu le qu'est-ce que on fait, c'était normal de voir. Moi je vous la production, le tournage de Flora un peu au début. Finalement, tout était en parallèle et donc tout ça fait un peu mal. Alors, Flora, faut qu'on, je te pose la question comme ça elle sera faite et comme ça on passe à autre chose. Quand on obtient pour son premier film un doublé, qui est la Palme d'Or du cours à Cannes et le Grand Prix à Annecy, donc qui sont quasiment, même pas quasiment, les deux plus grands prix qu'on peut avoir pour un court-métrage d'animation, on se dit, ça c'est fait. C'est bon, t'es tranquille et tu passes à autre chose en disant de toute façon tu peux en avoir un autre, mais voilà. Ou alors c'est un petit poids pour la suite. C'est comment on prend ces deux récompenses? Tu dire si j'ai toujours avoir de motivation pour faire quelque chose? Ouais. Alors, la non, motivation, oui. Est-ce que c'est un poids? Est-ce qu'on se dit là mon deuxième film, on va attendre encore plus ou t'essayes de te libérer de ça justement? J'ai beaucoup de motivation en fait. Ouais. J'ai beaucoup d'idées pour un prochain film. Je suis pas sûr que ce sera que animation, mais je voudrais essayer peut-être faire quelque chose live, animation, et voilà. Mais oui, c'est un bon vague. Ouais, au contraire, ça motive donc. Oui, ça motive. Ça donne de l'envie. J'ai beaucoup d'envie de faire quelque chose complètement différent que 27. Ouais, mais ça c'était avant les récompenses ou oui, c'est-à-dire que les récompenses c'est un plaisir, ça fait du bien, c'est, mais c'est pas ça qui a bouleversé les choses ou tu t'es pas dit maintenant je change complètement. C'est oui, et aussi c'est génial, c'est incroyable cette feedback, mais je suis grande, je grandis dans une famille qui est vraiment pas matérialistique. Le feedback, c'est pas, comment dire, c'est important, mais c'est pas toutes les choses. Tu vois que, Alors, on a déjà parlé avec Rachel de tout son travail à Bézalel. Donc, on va commencer avec toi, Flora, par rapport à la MOME. C'est quoi comme environnement? Donc, c'est l'une des plus grandes écoles en Hongrie, c'est à Budapest. C'est quoi l'environnement de la MOME? On a l'impression qu'il y a presque une manière de faire la MOME. Il y a des films qui sont très, très libres oui, c'est qui vrai. Sortent de cette école. C'est MOME, ça focalise beaucoup de création, de expériments. Il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices qui sortent de cette école. C'est pas très professionnel, comment dire, c'est pas focalisé trop de manière d'animation, pas de technique, c'est plus de création, oui. Et ça, on le voit dès vos des films. Il y a un film que tu as fait avec pas mal de monde qui s'appelle Social Animals, ah oui, en 2014, qui il y a presque 10 ans, qui critique donc notre utilisation des petits écrans, même si on en parlait, mais qui est aussi avec des têtes en tissu. On sent qu'il y a ce plaisir de travailler. Il y a cette critique, mais il y a aussi, je sais pas, un côté expérimental. De jouer avec les matières, oui. Ça, c'est quelque chose qui... Ouais. Oui, c'était un team project et j'aimais beaucoup parce qu'on a beaucoup de liberté, essayer plusieurs de techniques, c'était stop motion, 2D animation, c'était un workshop international aussi, et on a fait, c'était juste, comment on dit, c'était marrant, c'était comme un jeu. On va retrouver après cette idée de pas de patchwork, mais un petit peu quand même de patchwork, avec pas le film, t'en as fait d'autres, mais qui vient, qui était le plus important, c'est de The Day When Mother Nature Hit Me, en 2015, où c'est plein de petites scènes. Comment tu l'as réfléchi, ce film-là, tu te souviens? C'était il y a presque 10 ans, mais tu t'en souviens? Oui, je me souviens très, très bien, parce que j'ai toujours avoir beaucoup de cauchemars. Cette film, c'est... J'ai eu des rêves chaque soir, et je me suis réveillée et j'ai animé cette rêve, cette cauchemar, et j'ai fait un film de cette petite scène ça, oui. Et finalement j'ai trouvé une storyline, quelque chose comme ça. Quand est-ce qu'il est arrivé, tu utilises la musique de Colin Stetson, qui oui, à l'époque n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui il est vraiment très reconnu. Comment c'est arrivé, cette utilisation de musique? J'ai le vu à Budapest. D'accord. Ouais, j'adore. J'ai aussi joué de flûte traversière. J'ai un peu de connexion avec l'instrument. Comment on dit Avant. Oui. Non. Ce type d'instrument. Ouais, ouais. C'est pas la même chose, mais oui, j'ai trouvé vraiment inspirant qu'est-ce qu'il fait avec l'instrument et son gorge. C'est incroyable. Ouais, c'est un personnage que je connais pas, Colin Stetson. C'était vraiment une sensation. Ouais. Je me sentais dans ce moment. Ouais. Et ensuite, il y a le film qui va te faire un peu plus connaître. Donc, ces deux films-là, c'est un truc. C'est Entropia, qui passe à la Berlinale. Donc, déjà, une belle plateforme pour toi. Là, il y a un style qui est plus défini. Si on regarde tes films, quand est-ce que ça arrive, ce style qu'on va retrouver dans Entropie, qu'on retrouve dans 27 et qui est un peu plus défini que ce que tu fais avant? Ça t'est arrivé comment? Il y a beaucoup de recherches ou pour Entropie, ce style graphique, oui, le style graphique visuel. J'ai début avec le scénario et j'ai écrit quelque chose. Sans limite, et sans limite visuelle. Et après, je cherche le visuel. C'était vraiment abstract, et vraiment. Organique dans ce moment, et j'étais un peu confusée. Confuse. et je cherche myself. Ouais. et tu peux voir, il y a trois mondes, et c'est parallèle, c'est sur un peu de l'ego, mais voilà. Et je cherche quelque chose. Je trouve, parce que c'est un peu sci-fi aussi, et j'ai cherché un visuel, un style qui réfléchit dans le style de l'écriture aussi. Tu te rappelles, Marie-Pauline, c'est peut-être c'était pas prévu, tu te rappelles d'avoir vu Entropie? Enfin, c'est un film qui marque. Bien sûr, moi je l'avais vu justement à la Berlinale, je m'en souviens très très bien, parce que j'avais pris le film donc sur grand écran et tout, je l'avais reçu vraiment très fort. Et je l'avais revu juste après pour Annecy, puisque le film était proposé pour les films de fin d'études. Vous l'avez sélectionné, pardon. Bien sûr. Bah oui, le piège là d'un seul coup, c'est... Non, bien sûr, c'était une évidence. Et en fait, j'avais été assez surprise de revoir le film pour Annecy, parce que j'avais pas, dans mon souvenir, j'avais pas compris en le voyant à la Berlinale que c'était un film de fin d'études. Voilà, pour moi, c'était un film professionnel. Mmh. J'avais été très surprise de le revoir, voilà, dans ce cadre-là. Mais c'est une chose étonnante, peut-être à la MOME aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens derrière. Il y avait beaucoup de gens qui ont participé au film, dans l'animation. J'ai l'impression que le générique, qui fait même 2 minutes sur Entropia, qui est plus long que le générique sur ton dernier film, sur 27, oui. J'ai l'impression qu'il y a presque plus de monde sur Entropia, qui a travaillé sur Entropia, que sur 27. Oui, c'est vrai, parce que c'est un film de fin d'études et il n'y a pas beaucoup de budget et c'est plus difficile de trouver l'équipe. Et comme en 27, c'était plus compact, et moins de personnes, j'ai fait plus de travail aussi et j'étais plus mature. Ouais, mature. Ouais, il y a déjà des beaux noms, il y a Daniel Gray qui travaille. Oui, c'est vrai. Faire la mouche. C'est intéressant, c'est un film sur la prise de conscience, comme tu le disais, donc on est déjà, il y a déjà quelque chose qui nous amène peut-être vers 27, alors d'une manière un peu différente. Tu nous parles un tout petit peu, donc parce que il est compliqué finalement à définir, enfin je sais pas si tu pourras le résumer, Entropia, mais c'est pas évident à ces trois femmes qui vont petit à petit faire un cheminement où on peut comprendre certaines choses, mais tu ne cherches pas à avoir une narration très précise. Oui, pour moi, c'était trois aspects d'une personne, personnage. Et c'est je voulais écrire quelque chose de complexe, narratif. Et c'est plus en... c'est pas linéaire, c'est plus horizontal, cette film. Oui, alors que dans 27, on va avoir quelque chose justement d'un peu plus linéaire. Oui, on change un petit peu par rapport à ça. Je voulais que, c'est quelque chose de différent, un peu plus poétique, mais aussi explicite, et vraiment sexuel, et personnel, et honnête. C'était un choix de ta part d'aller vers un scénario peut-être plus classique, en fait, d'avoir quelque chose de plus écrit. Oui, c'est vrai, oui. Je voulais essayer. Il y a cette idée d'entropie aussi de naître, de renaître quelque part. Cette larve, la mouche qui en sort, il y a cette idée de renaissance qu'on va retrouver peut-être un peu dans 27, dans l'idée toujours de cette prise de conscience, d'essayer de... Oui, c'est un peu de spirit animal. Il y a toujours un spirit animal. Ouais, à l'entropie, c'était la mouche, et en 27, c'est le stink bug. C'est, comment on dit je ne sais pas en français comment on dit stink bug. C'est insecte qui est en 27. Oui. Et d'un seul coup, j'ai un trou de mémoire, moi aussi. Peut-être. On va réfléchir pendant la pause. On va faire une pause. On va réfléchir pendant la pause. Juste très rapidement, est-ce que pour toi... Alors, tu sais, quand on est critique, journaliste, on a bien trouvé des choses, etc. La chute, quand on tombe, c'est quelque chose d'important. Parce qu'en fait, en regardant dans Social Animals, alors ça vient peut-être pas de toi, mais il y a quelqu'un qui tombe en skate... Tu sais, qui fait une chute en skateboard. Il va mourir. Ah oui. Il tombe. Ah oui. Dans The Day When Mother Nature, il y a la chute de la balançoire. Ah oui. Dans Entropie, alors il n'y a pas la chute, mais il y a Caution, Slippery When Wet, donc qui est cette. Et dans 27, il va y avoir une chute. Ouais. Et je me demandais si la chute était obligatoire. Bah, c'est... Pour justement renaître. Peut-être. Il y a quelque chose avec les chutes. C'est un de mes cauchemars, en fait. Et j'ai beaucoup de peur. J'ai du vertigo. Ouais, et j'ai beaucoup de peur que quand j'habite dans le 6e étage. Ça me fait beaucoup de temps que j'ai got used to it. Ouais, c'est toujours une peur. C'est parce que c'est vrai que c'est, comme tu parlais de cauchemar, cette espèce de peur de tomber, quelque chose de... Enfin voilà, et à la fois on peut se dire aussi si on tombe, si on meurt pas et si on se fait pas mal, on peut peut-être, d'un seul coup, il y a une nouvelle peau, il y a de nouveau quelque chose qui revient finalement. Oui, c'est ça, c'est un peu comme ça. Donc, la chute pourrait presque être bénéfique. on va faire une première pause, et la première pause, elle nous vient, si j'ai bien fait les choses... J'ai bien fait les choses. Elle nous vient de Rachel. Rachel, tu peux nous présenter la musique qu'on va entendre? Le morceau s'appelle Shirley. Alors, Shirley, c'est une chanson de Def Chunky, qui est un groupe musical qui a fait partie de la son de mon film. Et ils ont vraiment punk qui vient d'Israël. Il fait des films de, il fait de musique que moi j'adore. Et cette chanson là, c'est une chanson assez connue qui parle, comme moi j'ai compris, que ça parle à une fille qui ne veut pas aller à l'armée. Ça, peut-être vous pouvez comprendre quelque autre chose, mais oui. Toi, c'est ton ressenti en tout cas par rapport à cette chanson. Oui. On revient, on va parler évidemment de 27 et Via Dolorosa juste après, mais on écoute, vous poussez un peu les chaises et vous commencez à bouger, à danser chez vous. Donc on écoute Shirley Nicolas, s'il te plaît. És mint egy erényöv, ami már hozzánőtt a testemhez. Hát akkor vedd le. Mint egy ilyen kitimpáncén, érted? Ah, miért? Mikor kurtál utoljára? Oi! במצחק כתוב שם בדרך סוד. בבל הגדולה. הם מזונות ותואבות האדמה. את העיר הקדושה יורדת מן השמיים. Donc on est à l'antenne. C'est pas grave, hein, vous pouvez parler, mais donc c'est juste pour vous dire qu'on est à l'antenne. Donc on reçoit toujours Rachel Goodgards et Flora Anna Bouddha avec nous. Bouddha Flora Anna, pour le dire à la hongroise. Donc voilà, avec le nom en premier. Marie-Pauline, tu peux juste nous dire un tout petit peu, nous résumer. Je ne l'avais pas prévenu, hein, c'est encore un piège. E27 et Via Dolorosa. Oui, alors en quelques mots, 27 raconte l'histoire d'une jeune femme qui a 27 ans. Et qui était obligée de revenir vivre chez ses parents. Voilà, et ça, c'est pas forcément très agréable pour elle. Et elle traîne dans la ville, elle trimballe avec elle des sortes de fantasmes. Et elle danse. Et voilà, c'est un peu un souvenir de jeunesse. Un souvenir de jeunesse. Voilà, c'est un sujet qu'on voit souvent, cette histoire de jeunes gens obligés de retourner vivre chez leurs parents. C'est un truc qui est très contemporain, j'ai envie de dire, et le film capte ça. Et on a ensuite Via Dolorosa. Alors Via Dolorosa, c'est peut-être un peu plus difficile à résumer, puisque le film est un film qui repose beaucoup sur son atmosphère. C'est une sorte de portrait kaléidoscope. Oh, c'est pas facile à dire ça, je vais pas le dire en fait. Kaléidoscopique de la ville de Jérusalem, en reposant à la fois sur les souvenirs d'adolescence donc de Rachel, mais en utilisant des matériaux qui sont plutôt contemporains, donc des choses qu'elle a été filmée et enregistrée de nos jours à Jérusalem. Voilà. Maintenant, vous avez le droit de juger les résumés de vos films. Est-ce et que c'était de bien compléter. Résumé. C'était bien résumé. Oui, oui. Génial. Merci. Au tout début de Via Dolorosa, Rachel, tu dis « Je ressens aujourd'hui le besoin de demander pardon ». Oui. C'est quoi cette phrase qui peut nous parler? Alors, pardon, juste avant de te laisser répondre, c'est intéressant parce que même si on ne connaît pas bien tout ce qui est religieux, etc., on sent l'importance évidemment dans le film, on sent tout ça. Donc voilà, mais déjà cette phrase-là, donc ce besoin de demander pardon, tu peux nous en parler un peu? Oui, alors j'utilise une cérémonie juive qui arrive avant le Yom Kippour, qui ça c'est le jour le plus important pour les juifs, où on demande pardon de Dieu pour tout ce qu'on a fait pendant l'année, toutes les choses mauvaises. Et là, avant, pendant les 10 jours avant, on... c'est pas ce mot-là, comment dire, le... tradition, c'est demander pardon de nos amis, de la famille, et demander pardon. Alors, on se voit dans la rue, on demande pardon. Et ça, c'est normal pendant les 10 jours entre le début d'année des Juifs et Yom Kippour. Et là, j'ai utilisé cette cérémonie pour demander pardon parce que je reviens en fait à mon adolescence et je regarde dans les yeux critiques et ma vie pendant l'adolescence à Jérusalem. Et là, je me sens le besoin de demander pardon. Et j'utilise cette cérémonie pendant le film pour demander pardon. Est-ce que c'est une... Alors, c'est une question. Est-ce que c'est une vraie demande de pardon, ce film? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté... quand même toujours rebelle, malgré tout. Oui, c'est vrai. Non, c'est difficile pour moi. Il y a des... Ça dépend. Ça dépend des pardons. Il y a des pardons là-bas que très sincères. Sincères, très bien. Après, oui, il y a de temps en temps, j'utilise le pardon comme quelques motifs assez cyniques, on peut dire. J'utilise le pardon comme je veux. C'est vraiment le motif du film que j'utilise, toutes ces cérémonies religieuses comme je veux. C'est la rebelle, ton attitude plus rebelle. Oui. Parce qu'il y a un moment donné où on a l'impression qu'on est fait de psaumes, où tu dis même nous nous sommes laissés aller à la révolte, à la haine, à l'insolence. Il y a tout un moment à la fin où on a l'impression à la fois d'un rite religieux et à la fois dans ce que tu dis, il y a toute cette difficulté évidemment de ce qu'est Israël, de ce qui se passe évidemment avec vos voisins en Palestine, enfin avec tout ça. Et il y a tout, on sent aussi toute cette difficulté de vivre ça aujourd'hui pour une génération plus jeune aussi. Oui, c'est. Merci pour ces notes parce que, en fait, pour moi, c'était difficile à trouver ce point de vue politique dans le film. Pour moi, c'était vraiment le. Ma difficulté dans le film parce que là j'essayais de trouver une manière où je parle à ça, mais je parle à ça dans une manière très personnelle et avec beaucoup d'espace pour la vraie vie à Jérusalem, parce que de temps en temps ça peut détacher un peu le point de vue quand on parle à politique, ça peut être un peu détaché. Oui, tout à fait. Mais on sent cette complexité, hein. on sent la difficulté quand même qu'il y a. Et alors, ça n'a rien à voir, ces deux films différents, mais c'est vrai qu'il y a le film de Tal Kantor qui est arrivé, dont j'oublie le nom évidemment juste maintenant. Les Tartes aux Pigs. Merci, Les Tartes aux Pigs. Non, mais sur cette complexité, je trouve, de tout se passer. Oui. Qu'on vous met cette obligation de demander pardon, cette obligation d'être tout le temps dans ce. Oui. Enfin voilà, dans cette culpabilité qu'on va. Et surtout, on est les enfants. Évidemment, les petits-enfants de la Shoah, surtout ne pas oublier ce qui est important, mais à la fois, qui est lourd aussi à porter. Comment on vit ça avec le voisin, encore une fois. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le film qui est très politique et très fort par rapport à ça, quand même, dans une certaine critique de ta part. Oui, je pense que c'est comme une continuation. On fait des films qui se continuent. Parce que là, c'est vrai que Tal, elle parle à l'attitude d'éducation en Israël, dans le monde des zionistes en Israël, où ils peuvent de temps en temps utiliser le Shoah, l'Holocauste, comme une. Pour avoir le raison pourquoi on est en Israël pour et ça c'est assez cynique en fait et moi je parle sur la vie quotidienne à Jérusalem maintenant, alors ça aussi, c'est la continuation parce qu'on peut dire que l'effet de tout ce qui est tout ce qui Tal parle sur quel Tal parle et c'est la conséquence qu'on peut voir dans le film que j'ai fait. C'est comme tu dis, c'est la suite. Ce qui est étonnant, c'est que tu parles toi de ton passé, mais en fait tu parles, comme le disait très bien Marie-Pauline, du présent aussi. Et est-ce qu'on a l'impression que pas grand chose a changé finalement entre toi, ce que tu as vécu, et ce qui se passe aujourd'hui toujours à Jérusalem? Oui, je peux dire, malheureusement, à mon avis, que c'est devenu un peu pire. c'est la politique en Israël maintenant, c'est on peut parler à ça, mais ça, il y a beaucoup de. il y a beaucoup de choses là-bas, mais. Mais oui, mais en fait, c'est triste, mais je pense que ça devient pire. Et parce que aussi l'éducation des jeunes, des adolescents, il n'y a pas assez de critiques dans ce monde maintenant. Et moi, j'essaie d'attraper cette ce lieu particulier à Jérusalem, parce que là aussi, je vais vous dire que là aussi, c'est l'extrême. Vraiment, c'est l'extrême. Ça, je vais vous dire, parce que moi, je suis allée au même lieu où je suis allée quand j'étais adolescent. Et là, il y a un bizarre mélange des gens qui étaient des freaks, je sais pas comment dire. On dit en français freaks aussi. Ouais. Freaks, punks, bizarre, tout ça. Étrange. Mais après, là, il y a beaucoup des gens qui sont de vrais droits, et en fait extrême droits, qui viennent dans le, qui restent dans le même lieu. Je sais pas, c'est Jérusalem, c'était toujours comme ça, c'était un mélange bizarre de toute la population, mais tu peux voir beaucoup d'extrémités de ça. Et de ça aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent partout, mais j'essaie d'attraper ça parce que ça m'intéressait vraiment de voir aussi pourquoi ça arrive, pourquoi ils restent dans cette monde politique violent, extrême. Alors, j'en parlais beaucoup avec eux et j'ai beaucoup de conclusions qui n'est pas dans le film parce que dans le court-métrage, c'est difficile à montrer tout ça. C'était un challenge pour moi. Alors, j'essayais d'attraper l'ambiance parce que je trouvais que pour un court-métrage, c'est mieux d'avoir l'ambiance très forte de ça. Mais après, oui, j'ai beaucoup d'histoires que j'ai vues, que j'ai entendues quand j'étais là, pendant le tournage. Et c'est très intéressant. C'est triste, mais c'est intéressant pour nous, je pense. Oui. Marie-Pauline, je te voyais arriver vers le micro, mais c'est pas... Oui, mais alors, moi, j'ai plein de questions. Enfin, sauf si tu voulais enchaîner particulièrement par rapport à ça. Mais moi, j'ai dressé beaucoup de parallèles entre vos deux films. Et ce que tu dis, Rachel, sur ce contexte politique du pays où se passe ton film, on peut aussi en parler avec Flora, parce qu'il y a également un contexte politique, c'est peut-être moins prégnant dans ton film, mais on a l'impression que ça infuse un peu ce personnage, ce contexte-là politique du pays. Et j'avais l'impression que dans vos deux films, l'endroit où se déroule l'histoire, l'action, est tout sauf anodin. Dans les deux cas, c'est une ville, c'est un endroit en particulier que vous connaissez bien et qui est marqué, qui infuse le film. Oui. Okay. Oui, bien sûr. Dans le début, j'ai voulu réaliser un porno parce que j'ai beaucoup de. Je voulais écrire une histoire qui est vraiment honnête avec une jeune femme. Et monter de sexualité de avec du female gaze parce que ça n'existe pas en Hongrie, pas trop. Et maintenant, le gouvernement a complètement effacé cette conversation de l'école, de la média. Et, pour moi, c'est un grand problème parce que je ne peux pas. Il fait beaucoup de traumas. C'est vraiment problématique. Et aussi pour la LGBTQ communauté, c'est un cauchemar maintenant. Et je voulais écrire une histoire de mon point de vue. Et aussi avec parce que aussi le film parlait de la crise de logement aussi. Et j'ai habité avec mes parents jusqu'à j'ai 27 ans. Et mon frère habitait avec mes parents. Il a 42 ans. c'est un problème. Et beaucoup d'amis de moi et pas début sa vie parce qu'il a pas d'argent et c'est vraiment un problème. Mais et dans le même temps, je voulais voir mon responsabilité dans ces sujets parce que c'est pas seulement de gouvernement, c'est pas seulement d'agence. Il y a beaucoup d'aspects. Et voilà. Mais c'est politique. C'est vraiment. Oui, c'est contre. On ne reçu pas d'argent, on croit. De la film, Institut de film. Oui. Mais c'est même drôle parce que finalement, alors, pour les gens qui n'ont pas vu le film, ça. Parce que je vais dire que c'est un peu bien, mais c'est même rigolo ce fantasme avec ces policiers. Ou au début, on peut croire que ça va être plutôt politique, justement, mais. Ils sont presque. Je ne sais pas comment les juger, s'ils sont sympathiques finalement, s'ils sont horribles, parce qu'à la fin, ils pensent à autre chose, donc c'est un peu terrible. Et donc c'est assez étrange ce fantasme, pourquoi c'est... Oui, il y a deux raisons que j'ai choisi les polices. Une, c'est l'autoritaire. Ouais. C'est un peu l'héroïne, la relation avec ses parents. C'est deux personnes dominantes. Et elle est petite, elle est un peu comme ça, un peu comme un adolescent. Deuxième, c'est une histoire personnelle parce que, mais je vais parler de ça après parce que je connais que Rachel va poser une question. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, si je dis pas de bêtises, on voit dans le film, on voit pas les parents. On voit jamais la tête des parents. Oui. C'est-à-dire que les parents sont présents, mais jamais en entier. Et il y a cette espèce de. Je sais pas, pas de fantôme, mais quelque chose où on voit bien la complexité de la chose, mais sans les voir non plus. Oui. Ça, c'était voulu. Oui, parce que c'était vraiment vulnérable pour moi de parler de cette histoire parce que c'est vraiment, vraiment personnel, c'est vraiment honnête. Et j'ai risqué beaucoup de choses. Je suis vraiment nue. c'est la raison que je voulais. Je ne voulais pas montrer les faces, les personnages de ma famille parce que c'est leur histoire. C'est pas ton histoire. C'est pas faire. Oui, c'est pas faire. Et sur cet aspect personnel et intime, là encore, toutes les deux, vous puisez dans votre passé, dans votre expérience. Et moi, je me demandais si c'était vraiment lié à ce film. Si c'était quelque chose qui vous intéressait, que vous alliez continuer à creuser, enfin, comment ça se faisait ce rapport à l'intime ? Est-ce que c'était, on va dire, pour caricaturer un hasard, ou est-ce que c'était vraiment ce qui vous intéressait dans le fait de faire des films ? Rachel ? Oui, moi, ça m'intéresse vraiment. Je pense que pour moi, c'est le pouvoir que j'ai comme réalisatrice des films, que je peux me montrer, je peux utiliser l'angoisse que j'ai des problèmes pour avoir de vraies connexions avec d'autres gens. Et pour moi, c'est vraiment la raison pourquoi je commençais à faire des films. Je pense que c'est très intéressant. Et je trouve que maintenant, il y a des vraies vagues dans le monde d'animation, documentaire aussi, des films expérimentaux qui utilisent les histoires personnelles et utilisent le réalisateur comme un caractère dans le film. Et ça m'intéresse vraiment le performance de personnes qui font des films. Juste avant que Flora... Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, parce que juste avant que Flora réponde, est-ce que c'était une évidence pour toi de te mettre dans le film ? Tu apparais, on t'entend ? Ou est-ce que c'est venu un peu après ? Ou est-ce que de suite, tu voulais qu'on apparaisse comme intervieweuse dans le film ? Oui, non, c'était difficile, mais j'ai compris au début que... en fait, le voix, c'était pas moi, d'abord. Mais après, j'ai parlé avec Manu, avec le producteur. Producteur, oui. Qui a dit que... je pense qu'avec toi aussi, peut-être, je sais pas. C'était que la voix, il faut que ce soit moi. Parce que il faut que ce soit vraiment moi parce que c'est plus honnête, je pense. Et moi, je suis d'accord maintenant. Et après aussi, c'était... Mais j'ai compris au début que c'est mon histoire, vraiment. Que c'est moi qui a besoin d'être comme Flore a dit, être nue pour montrer cette histoire. Ouais. Les forestières. Flora, toi donc ? Moi, je me sens beaucoup comme un bébé. Je pense que je suis vraiment très naïf. Faire une animation, faire un film, c'est un outil pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec pas juste moi, mais avec the surroundings. Oui, ce qui est autour de nous, ou est-ce qui nous entoure. J'ai des difficultés à faire la connexion avec les autres personnes en général. Et avec une histoire comme ça, je me sens que je connecte. Et c'est vraiment intéressant pour moi. C'est mon way of communication. Ouais, c'est ta moyen de communiquer. Ouais. Oui. Ta façon, pardon. Ah oui, c'est mon façon de communication. Avec les autres, ouais, tout à fait. Oui. Il y a quelque chose qui est très proche aussi dans vos deux films, parce qu'on parlait des choses qui relient le film. Alors, dans deux styles différents, hein, on n'a pas dit, l'un est en noir et blanc, l'autre est très coloré. C'est l'utilisation d'images qu'on ne devrait pas dire choc, hein, mais qui sont en tout cas qu'on voit moins, du sexe féminin par exemple, qu'on va voir en gros plan, alors qui ne devrait pas être choc, mais voilà, qui malheureusement dans la société est moins montré, ou en tout cas toujours un peu de la même manière. Toi notamment, Rachel, il y a une scène où il y a une sainte à l'intérieur, il y a des scènes comme ça qui sont... on hésite avant de faire ces scènes-là, ou non, c'est une évidence qu'il faut la faire, parce que c'est des scènes assez provocatrices et assez choc. Oui, non, c'est vrai, moi, Quand je commençais à développer le film, je travaillais avec ma sœur. Ma sœur, en fait, elle est historienne de l'âge moyen à Jérusalem, des Crusaders, des croisades. Ouais. Elle va me tuer après que je parle sur le mot. Mais là, je travaillais avec elle, avec le prof avec qui elle a travaillé. Et sa prof, et son prof, et après... là, j'ai vu beaucoup d'images et d'icônes et religieuses. Et j'ai cherché ça parce qu'en fait, tout le film, je cherche les choses qui sont sacrées pour moi à Jérusalem, et qui est une ville qui est sacrée pour tout. Mais en fait, les gens qui habitent là-bas, c'est pas trop sympa de la vie quotidienne de la ville sacrée, la plus sacrée. Et je trouvais dans les icônes que j'ai vues, je trouvais cette forme très similaire. J'ai compris la sexualité de la sexualité de ces choses religieuses. Et je trouvais que ça m'intéresse. Je vais utiliser ça dans une manière un peu rebellious. Rebelle, ouais. Ouais, mais là, j'ai trouvé, oui, c'était très intéressant parce que vraiment, pendant tout le film, je cherchais des icônes, des choses sacrées, et je cherchais comment j'utilise ces choses dans une manière qui reste moi-même, personnel, oui, personnel, exactement. Flora, toi, il y a aussi quelques images comme ça qui sont fortes. Je me demandais si tu avais été intéressée. Il y a une première grande vague dans l'animation de cinéma un peu plus féministe qui tente de représenter le corps, qui est dans les années 70, notamment 80, avec Suzanne Pitt, Florence Millay, Joanna Quinn un petit peu plus tard. Est-ce que c'est des réalisatrices dont tu as regardé un peu le travail ou pas forcément? Oui, mais pas forcément aussi. Parce que je connais quelques travaux de cette réelle, mais je n'ai pas utilisé cette film comme une référence. J'ai plus de références dans live action. Qui sont pour ce film, c'était Million Dollar Hotel de Wim Wenders, ouais. Blue Velvet de David Lynch. Quelques Almodovar, mais pas trop. Pour le dialogue, j'ai regardé beaucoup de Tarantino, de Early Tarantino, juste pour découvrir comment il fait le dialogue. C'était la première fois que j'écris un dialogue, c'était un challenge. mais j'adorais. Il faudrait faire la chose par rapport à Lynch, parce que tu utilisais donc un morceau de Dial of Man qui s'appelle Mulholland Drive. Dans Entropia, il y a les cauchemars. Il travaille beaucoup aussi avec ses cauchemars. Il faudrait peut-être faire un parallèle entre ton cinéma et celui de Lynch. On va faire une petite pause avant de revenir. On va écouter. On va écouter la piste qui s'appelle Drowning in It, Nicolas. Tu vois, donc c'est Code Orange, on écoute Code Orange, Drowning in It, c'était juste pour montrer, voilà, pour c'est un mélange Code Orange et passé en concert. J'ai beaucoup hésité, parce que je pense que le concert du mois, je sais pas si Marie-Pauline, voilà, c'est plutôt Ron, qui est passé à la Philharmonie, c'était un concert absolument incroyable, qu'on a eu la chance de voir, c'était... Mais bon, l'album était pas, je trouvais, ne remettait pas, en fait, dire le côté de la force de l'énergie du concert. J'ai hésité avec les autres concerts que j'ai vus, comme Ginger ou M83, mais Ginger, je vous en passe tout le temps, donc je me suis dit, je vais arrêter. Je vais pas devenir ma Marie-Pauline et National et passer que du Ginger. Donc cette superbe chanteuse, ce groupe de métal ukrainien. Merci, Créda. Fait un peu de musique. Non, mais c'est pas mal. Ça fait un peu de. Ça fait un peu. Donc voilà, on va écouter Code Orange qui est venu 50 minutes. C'est un groupe plutôt. Un peu plutôt trash, mais là, leur dernier album est plutôt. Joue un peu avec l'électro. Donc on écoute, s'il te plaît, Drowning in It. Merci, Nicolas. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4, c'est Bulle de rêve. Merci Francis Gavel. Et qui font toute une nuit, j'ai pas dit Marie-Pauline n'est plus avec nous parce qu'ils vont faire toute une nuit comme d'habitude d'alcoolique, enfin voilà, juste après où ils vont faire. On va faire un petit jeu. Rapide. On va faire un petit jeu. C'est ce qu'on appelle, alors nous on l'a un peu changé, donc c'est ce fameux truc questionnaire de prose. Vous savez, quand vous voulez, Christiane et Francis, hein, vous parlez là, c'est comme si c'était leur émission. Non, mais c'est un peu un bulle de rêve, c'est ça. Je veux dire, on ferait jamais ça dans l'émission de Christiane ni de Francis. Mais bulle de rêve, c'est bon, on est tranquille, on peut faire. Donc c'est un petit questionnaire. Je vais vous demander de manière assez rapide, de manière assez directe, ce que vous avez en tête quand je vous dis. Si vous étiez, c'est-à-dire, qui vous êtes-vous ? Si vous étiez un morceau de musique ou un album de musique ? Rachel, ça laisse Flora réfléchir un peu. Voilà. You can say it in English if you want. Non, mais je pense à ça. Il y a un. Say it in Hebrew. Ouais, non, je pense à ça. Il y a un. Hier, quand j'ai essayé de trouver quelque chose pour mettre ouais, la entrer, musique. Ouais. Et il y a un que je n'ai pas montré, de Pollyanna Frank, que j'adore. C'est un groupe israélien des années 90. Et super, vraiment très punk. Donc redis-le. Quand... Le groupe, c'est Pollyanna Frank. Ok. Il y a beaucoup de chansons que j'adore, alors je ne peux super. Pas choisir. C'est la première chose qui vous vient en tête, donc parfait. Flora. Bah, il y a un album qui s'appelle. Le groupe s'appelle Albert Einstein Bizocek. C'est un groupe hongrois de 80. Et faire musique anarchiste. Et j'ai écouté ça beaucoup quand j'étais un enfant. Ok. Et c'était la première chose que j'ai connecté avec maintenant, plus rapidement. Mais... Une bonne éducation musicale, oui, c'est bien. Voilà. Flora, t'as la parole. Un film, long métrage, court métrage. C'est ce qui est le plus évident qui va être le plus compliqué. Ah oui, A Man with the Movie Camera from Dziga Vertov. Dziga Vertov, d'accord, wow. Rachel. Non, mais j'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui te vient en tête, court métrage ou long métrage? Je pense. En fait, je pense à quelque chose. C'est un film de Mili Pecherer. C'est une jeune réalisatrice israélienne qui habite aussi en France et qui a fait un film que j'adore et qui s'appelle Yerucham Off Season. C'est génial aussi. Je vous conseille à okay. le voir. Ben, merci. Un peintre, un sculpteur, une sculpture, une peintre, enfin voilà, dans les arts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est important pour vous, Rachel? Ne regarde pas Flora, c'est toi maintenant. Oui, c'est difficile. Je suis d'accord. Okay. Mais c'est la première chose, c'est vraiment juste pour savoir ce qui vous sort en tête de suite quand vous dites un peintre. On peut demander à Nicolas. Kandinsky. Ok. Le côté abstrait, le côté ouais, qui te plaît. Oui, j'adore. Okay. Flora. La fille de Botticelli et Magritte. Si c'est possible. Ok, d'accord. Ce serait ça. Ok. L'enfant imaginaire. Un lieu qui vous représente, Flora. Un lieu. Un village, une okay. ville, un village, quelque chose qui te représente, toi. Il y a un petit village qui s'appelle Zsenye en Hongrie, c'est Vest-Hongrie. C'est juste une rue. Et chaque année, j'étais là. Il y a un château pour les artistes. Et c'est vraiment magique. Et j'étais là chaque été et chaque hiver. Ok. Rachel? Bah, c'est facile. Jérusalem, bien sûr. Ouais, évident. Je sais pas, t'as pas été à Tel Aviv à un moment donné? Non. Jamais. Pardon. Un livre, ça peut être de fiction, ça peut être un livre de photos, ça peut être ce que vous voulez. Rachel? Il y a un livre qui s'appelle « Juif Aram » Achashverosh. C'est génial. C'est de Stéphane Heinz des années 80, je vous dis. Et c'est quoi? Tu nous racontes un peu ou? C'est une nouvelle historique qui parle à cette mythologie de juif pharaon qui était cursed ouais. par Jésus, maudit, ouais. maudit par Jésus, et qui reste en vie, qui traverse la terre jusqu'au moment que Jésus revient. Et c'est génial, c'est vraiment un livre que j'adore. Flora? C'est un tas serbe, Utaše Šoldvileg en Hongrie, en croix, mais c'est, il y a une traduction en français, c'est Le voyageur éclair de lune, c'est quelque chose comme ça. Ouais, je... tu connais? Non, ça me dit rien. Ouais, c'est vraiment bien, c'est d'un couple qui se marie, et il y a deux honeymoon avec le train. Train. Le train, ouais. Et ils ont perdu each other. Ils sont perdus, voilà. Ils sont perdus. Et il y a un voyage surréaliste de chaque. C'est vraiment intéressant. Une nourriture, une recette, une boisson. Une boisson, ça peut être une boisson. Flora. Ok. Moscow Mule. On sent le passé. Je continue avec l'Est d'Europe, je vais vous dire Borscht. Francis Gavel. Tu dirais autre chose que gin tonic? Pardon? Tu dirais autre chose que gin tonic? Recette boisson, tu dirais autre chose que... Enfin, c'est rien. C'est le roi du gin tonic pour les gens qui savent pas, donc. Bah non, mais j'ai pas d'idée. Le questionnaire de Proust, je l'ai déjà fait dans l'émission. À chaque fois, j'ai jamais d'idée. À chaque fois, t'as sur quand sur. On le fait à des gens. Je me dis, tu penses à un truc, puis après c'est un autre. Le tatouage. Alors, vous en avez, mais un truc que vous aimeriez avoir. Le tatouage. Voilà, que vous aimeriez avoir. Ça peut être de quelqu'un ou ça peut être un sigle. Ça peut être quelque chose. Oui, j'ai eu le rêve de faire le tatouage que mon grand-père a eu. Et c'était une... Ouais, j'ai oublié le mot dans toutes les langues. Et c'est comme de quelque chose marin. C'est une encre de chien. C'est une encre. Encre, exactement. Okay. C'est ça. C'est un petit encre sur la main droite. OK. Et un jour, peut-être, je ferai ça. Tu ferais toi-même le dessin ou tu demanderais à quelqu'un d'autre de faire le dessin, justement? Ou tu voudrais absolument le même? Je ne sais pas. Je peux trouver le même, mais... Oui, mais je vais essayer de le refaire. Flora? Si je suis un tatouage? Si tu faisais le tatouage de tes rêves, tu en as déjà, hein, mais oui, si jamais... Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais faire et que tu n'oses pas forcément encore faire ou que tu as dans la tête et Pour moi, c'est ce tatouage dans mon main. Oui. Parce que c'est un rock or diamond. Ouais. Mais c'est un peu abstract. C'est mon premier tatouage. Et j'ai un ami qui a fait ça, Diego, qui habite à Paris. Et il n'y a quelqu'un, il n'y a personne qui peut interpréter le même. Oui, interpréter, oui. Oui, c'est toujours différent. C'est toujours, à chaque fois qu'on. Oui, j'adore ça. Un fait historique politique. Quelque chose d'important, fait historique politique. Flora. Ouais. Christiane, t'as pas le droit de répondre. Je sais que t'en as plein, mais bon, ça laisse le temps à Flora et de réfléchir un peu. Historique, politique, c'est... Je pense qui vous a marqué? Je suis née juste pendant la fin de la communauté. Du régime communiste. Communiste. Et c'est un temps vraiment bizarre. Ouais. C'est bien mauvaise dans le même temps et je choisis ça. Rachel. Oui, pour moi aussi c'est assez mauvaise parce que c'est vrai que c'est difficile à trouver des bonnes choses. Mais peut-être on peut dire le deuxième intifada parce que pour moi aussi c'était l'événement le plus traumatique de ma vie. Bien sûr. Un objet. On retombe sur quelque chose d'un peu plus simple. Un objet, Rachel. Un objet qui vous représente. C'est difficile. Ok, je cherche mon bouteille de l'eau que j'oubliais à mon vélo, dans mon vélo. C'est d'accord, c'est ton objet. Oui. Okay. Flora. Moi, j'étais à Danemark pour un an et j'ai acheté un truc, c'est en céramique pour le café, pour garder le café. Et c'est un peu comme un matryoshka doll, mais c'est pas ça. Tu peux ouvrir la tête, et tu peux mettre le café et c'est vraiment un doll. C'est une poupée, ouais. Une poupée, oui. Et j'adore. Je vois, c'est moi. Ça, c'est voilà. Alors, c'est assez difficile, mais c'est juste une image, une photo, une image. Je sais pas, du monde qui vous a marqué. Quand on a posé cette question, ça peut être des images fortes comme le moine pendant la guerre du Vietnam qui va se brûler, ou enfin voilà, petite fille en feu, enfin des choses comme ça. Ou ça peut être au contraire, ça peut être Francis Gavert, enfin j'en sais rien. T'es en face de moi, Francis, désolé. Cherchez une meilleure, enfin voilà, une image qui bah, historique qui vous aurait marqué, okay. Un moment historique. Bah, j'ai joué un différent parce que j'ai juste mon première association. Oui, association d'idées. Oui, c'était des photos parce que tu as dit photos. Immédiatement, j'ai pensé les photos d'un blow-up de Antonioni, ouais. Avec le pistolet. Voilà. Très bien. Rachel? Oui, aussi, moi, je pensais sur un film, je pensais à Valse avec Bachir, parce que là, il parle à l'effet psychologique des photos. Quand tu vois une photo de quelque chose qui s'est passé dans les enfances, et si c'était faux, tu peux commencer à imaginer que c'était vrai. Et ça peut être... C'est pas mal, on pourrait faire ça, un livre sur les photos à l'intérieur des films. Il y a aussi Persona. Il y a aussi, on pourrait faire ça, c'est l'importance de la photo à l'intérieur d'un film. Merci, c'est une bonne idée, Nicolas, tu pourrais te lancer dans une nouvelle maîtrise. Tu allais, la dernière chose, une personne, un personnage qui vous fascine. Un personnage vraiment qui vous fascine. Ça peut être un personnage historique, ça peut être un faux personnage, ça peut être un personnage, je parlais de légende tout à l'heure, de légende, un personnage. Rachel? Comme toujours, c'est vraiment c'est des questions difficiles. C'est sûr. Je cherche quelqu'un qui m'intéresse vraiment. Et... Flora, si tu veux. Hein, je peux... Ouais, Flora, oui, vas-y, oui, alors. Comme ça laisse. Je vais penser. C'est Anaïs Nin. Oui, Anaïs Nin, ok. Super. Oui, peut-être. Mais Christ, elle est Non, elle est mais terrible. On peut parler à ça parce que c'est vrai, parce que j'ai en pensé, parce qu'on en parlait juste avant la mission. Et Léa Tzemel, qui est une avocate des droits humains et qui vient d'Israël. J'essaie de l'éteindre, elle est oui. Merci Francis, pardon. Ouais, et c'est un personnage très intéressant. En fait, il y a un film et documentaire qui était fait par Philippe Balaïch et Rachel, j'oubliais le nom de co-réalisatrice. Et c'est un film documentaire très intéressant sur ce personnage qui est vraiment. Vraiment intéressant aussi, oui. Merci beaucoup. Oui, ça a été. C'était pas trop difficile. La chanson qu'on a entendue avant, Code Orange, je l'ai pris aussi parce qu'à un moment donné, elle dit « Tu penses savoir qui tu es, tu penses savoir ce que tu veux, jusqu'à ce que tu te noies et tu te rendes compte que tu ne le sais pas forcément. » Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans vos films. Pour revenir à vos films, l'idée d'essayer de se comprendre. Et dans 27, elle est bouleversante, cette jeune femme, parce qu'elle pleure à un moment donné et on sait pas, on est un peu perdu avec elle. J'ai l'impression qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut. Elle croit savoir, mais finalement, quand elle est un peu... Voilà, je trouve qu'elle est un peu perdue, mais pas forcément dans le mauvais sens. Elle se recherche. Tu vois ce que je veux dire ou... Je ne comprends pas très bien. Est-ce que tu peux... Oui, bien sûr. Expliquer un peu. Le personnage dans 27, on a l'impression qu'elle cherche quelque chose, mais elle est tout le temps... Elle a une sensibilité très forte quand elle se met à pleurer. Oui. Quand elle se met, et j'ai l'impression que on cherche toujours à savoir qui on est, et peut-être que des fois ne pas savoir qui on est, c'est bien aussi finalement d'être perdu. Et j'avais l'impression que c'était un film aussi qui disait ben trop vouloir savoir ce qu'on veut, ça rend pas forcément heureux. Tu vois. Non, je comprends. Je pense. Tu peux ne pas être d'accord aussi, bien évidemment. Elle peut-être. Cherche, c'est pas, je suis pas sûre que c'est le mot que je cherche. C'est plus, elle essaye escape. Pardon, oui, de fuir, oui, oui, oui. Et dans les fantasmes, dans le drogue, de mouvement et tout ça. Et c'est plus de sensations. Je voulais capturer. Ouais. Et il n'y a pas de conclusion parce que c'est juste. C'est comme ça. Oui, il n'y a pas. Mais c'est pour ça que je disais peut-être que toi, tu ne cherches pas non plus à nous dire. Oui, parce que c'est juste la sensation quand je voulais capturer. La sensation quand tu sens un peu claustrophobique dans ton vie. J'ai écrit avant Covid, juste pour noter. Mais oui, c'est juste l'émotion. C'est plus de l'émotion que l'histoire. C'est plus, oui. Si je disais ça, c'est parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on nous demande beaucoup de savoir qui on est, de rechercher qui on est et de se dire que le bonheur, c'est de savoir qui on est réellement. Et je ne suis pas sûr. Je trouvais que vos films correspondaient bien à ça. C'est qu'on ne sait pas toujours qui on est. On se recherche finalement peut-être toute sa vie. Et que cette recherche toute sa vie, elle n'est pas si mauvaise que ça, a priori, de ne pas toujours comprendre ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Rachel, je te vois réagir, toi aussi, puis Flora après, puis je peux réexpliquer. Flora, si tu veux, on va... Oui, ça correspond avec la dernière question sur laquelle on a parlé avec l'utilisation de l'histoire personnelle dans le film, je pense. Et je pense que là, on peut utiliser l'histoire personnelle pour montrer quelque chose assez global, de chercher des choses qui peut-être pour être avec quelles on peut trouver des relations avec d'autres gens. Et oui, je veux dire que là, je pense que oui, on peut utiliser, c'est un moyen pour trouver une vérité qui peut-être est plus globale. Je ne sais pas si ça correspond. Est-ce qu'elle n'est pas mouvante, cette vérité? C'est un peu compliqué, hein, surtout là en français, c'est pour ça si vous voulez qu'on passe en anglais, mais c'est juste, j'ai toujours l'impression qu'il y a des recherches et qu'il n'y a pas de réponse finalement à savoir qui on est. J'ai l'impression que vos films, quand toi tu retournes à Jérusalem, mm-hmm. tu veux donc, c'est le pardon, comme mm-hmm. tu dis, tu veux demander pardon, mais que finalement tu demandes... Je ne sais pas si tu arrives à demander ce pardon-là finalement, et que est-ce que quand tu pars à Jérusalem, tu trouves ce que tu as envie de trouver là-bas finalement? Oui, mais je pense que ça aussi, on essaie de casser le narrative qui est classique, où il y a des solutions aux fans de films. Oui. Bon, là, on sait que maintenant, on a plus d'expérience dans le monde du cinéma, et on sait que vraiment, peut-être dans la vie, on commence à comprendre qu'il n'y a pas de vraie solution. Alors, là, je pense que... Bon, je vais parler... c'est moi. Alors, moi, je pense que pour moi, c'était naturel d'avoir quelque chose à la fin qui n'est pas de résolution. Ouais, c'est plus... connected. Connected. Enfin, essaye, mais... Flora, moi, c'est pour ça que je trouve ce personnage touchant dans 27 aussi, c'est que j'ai l'impression qu'elle... C'est pas quoi qu'elle fasse, mais elle essaie de trouver, comme tu dis, à travers la drogue, à travers des choses, elle essaie de trouver. Finalement, elle a du mal, même si ça peut lui apporter quelques réponses, à trouver une réponse, finalement, et que... Je trouvais pas... Je voulais pas trouver une réponse, je voulais connecter avec le présent. C'était... avec vulnérabilité. Beaucoup de c'était parfait. Non, c'était parfait, bravo. C'est mon difficile. Parce que je pense que vulnérabilité, c'est vraiment important pour faire la connexion et parler de sujets très difficiles avec sans tabou. et vraiment faire de connexion avec le présent. Et c'est, je n'ai besoin pas de conclusion, je n'ai besoin pas de réponse. Je pense que ça peut être un peu prétentieux si je offrais une conclusion, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que la résolution de cette histoire, mais maintenant je sais que ça existe. Et je suis bien connecté avec cette histoire maintenant. Alors on aurait plein de choses à dire, on va avancer petit à petit, ça fait déjà une heure et demie, malheureusement il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez une manière, il y a une mise en scène qui est très proche, notamment, alors chez Rachel, je pense que c'est une obsession d'animer les mains, de faire des gros plans sur les mains, il y en a dans Love Letter, mais là il y en a aussi, mais toi aussi tu filmes beaucoup en gros plan. Flora, vous pouvez nous parler un peu de ça? On est en close-up, on est en vraiment très gros plan souvent, on est sur des petits bouts, vous aimez bien aussi tout ce qui est petits gestes du quotidien, où on va toucher une bouteille, quand ils sont dans le bar, on va avoir un gros plan sur en train de toucher la bouteille, de jouer avec. Vous nous parlez un peu de ça, de cette mise en scène sur les gros plans, Flora? C'est un peu naturel pour moi, utilise le gros plan, peut-être parce que j'ai vraiment mauvais yeux, et sans le contact, ouais. je peux voir 5 centimètres. Ouais. Comme un enfant, j'ai toujours observé tous les objets que vraiment, vraiment proches. Très près, ouais. Et très près. Peut-être ça, mais peut-être aussi, je suis toujours curieuse, comment dire, avoir le courage pour être très proche de la sujet. C'est en microscopie, quelque chose comme ça. Et je laissais le spectateur aussi très proche de moi, parce que c'est facile pour moi. Et c'est une mise en scène de l'intime. Oui, c'est pas facile. Mais je peux faire ça. Oui. Rachel. Exactement, c'est vrai, c'est exactement l'intimité aussi, c'est très viscéral, je sais pas si c'est aussi, je trouve ça plus réel, parce que moi quand je suis dans une scène, dans la vraie vie, je cherche les petits détails toujours, je vois tout est un peu cassé. C'est comme je vois les images, mais c'est un peu cassé parce que je note les choses, les petits trucs dans la chambre, des choses comme ça. Et pour moi, c'est plus intéressant et plus intime, bien sûr. Oui. Alors, on va faire une pause un peu plus longue. Et c'est toi, Flora, qui nous a proposé cette musique. Je te laisse la présenter. Le groupe s'appelle Committee. Oui. Et c'est un peu en rapport avec ton film. Oui, parce que Committee, c'est deux sœurs hongroises. Qui a une carrière séparément aussi, mais quand ils jouent ensemble, ils s'appellent Committee, et ils font musique expérimentale, un peu de techno, un peu de noise. Il a fait de la musique de 27, mais c'est une chanson de chanson, c'est pas le meilleur. Un morceau de le nouveau album. Et il s'appelle Muto, et j'aime beaucoup. C'est un peu long, tu peux couper. Non, on va voir. On va lancer, oui, Nicolas. Si de temps, il fait 6 minutes 40, comme ça déjà ça va vous laisser reposer un peu. Donc, bravo, merci encore pour c'est incroyable ce que vous faites en français, c'est tellement parfait que non vraiment, merci infiniment. Donc on va lancer, je crois que j'avais mis 2 pistes au cas où une ne marche pas, mais je pense qu'au moins l'une des deux va marcher, Nicolas. On lance et puis on verra dans ce cas-là si on coupe un tout petit peu avant, mais il y a une montée puis ça redescend, donc c'est un peu dommage. On écoute donc, merci Nicolas. Merci, vous êtes toujours sur Bulle de Rêve. On a écouté Comiti Muto, donc qu'on fait la musique hein, de 27. Et juste après, on écoutait monsieur qui s'appelle Aviv Stern, qui est un monsieur qui est important, puisque donc là, c'est un morceau qui s'appelle OR, et qui est le musicien attitré de Rachel. Elle n'a pas reconnu, c'est très bien, je suis content. Ça, c'est quelque chose qui est important chez vous. On va en parler chez vous deux. Et ça, et la danse, qui est à la fois libératrice dans 27, qui est à la fois complexe dans Via Dolorosa, parce qu'elle est à la fois libératrice, mais on sent quand même aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Donc vous nous parlez un peu de ces deux parties dans vos films, d'abord Rachel et ensuite Flora. Donc la musique, comment vous avez choisi? Parce qu'en plus, je trouve que dans 27, d'un seul coup, la musique, elle est moins présente que dans tes films d'avant. Mais voilà, et donc de cette danse, et notamment de cette danse finale, évidemment. Et toi, Rachel, donc cette collaboration avec Alistair qui continue, et puis de cette danse qu'on voit quand même régulièrement aussi dans le film. Mmh. Alors moi je commence. Vas-y, commence Rachel. Alors oui, moi je travaille avec Aviv en fait depuis plusieurs années, je sais pas, mais on a travaillé ensemble avec sur Love Letter. Avant aussi on a travaillé un petit peu ensemble, après on a fait un petit clip pour Aviv aussi. Et moi j'adore vraiment le musique qu'Aviv fait, c'est très intéressant, très expérimental, mais après aussi j'adore travailler ensemble. C'est pas facile, mais c'est toujours c'est génial parce que il est très critique et c'est génial de travailler ensemble parce que toujours on a des discussions très très longues. On commence à travailler ensemble en fait au début du film, toujours. On commence et c'est pour ça que le film est toujours très très très musical parce que vraiment la musique, on les fait avec le film. C'est pas quelque chose qu'on fait après. Et ça aide, je pense, pour nous. On a trouvé que c'est génial. Et oui, et c'est une coopération qui va continuer, je pense. Et la danse dans ta vie et dans le film? Parce que donc, j'imagine que là, les gens qui dansent, ça peut être aussi toi, adolescente. Oui, en fait, ça vient des tournages qui étaient faits dans un studio qui s'appelle Studio Strauss, qui était créé par des punks de Jérusalem dans un quartier très très orthodoxe. Et j'ai fait partie de cet studio quand j'étais dans les études au Bezalel. Et c'était avec mes amis, avec Aviv aussi, avec Dana qui joue, avec Dunam qui aussi fait partie d'une leçon de film. Et c'était vraiment bien connu à Jérusalem. Et c'était vraiment particulier parce que c'était un concert très, très punk et dans le quartier orthodoxe. Et c'était génial, c'était drôle. J'adorais ça. Malheureusement, ça n'existe pas maintenant, mais des gens qui ont travaillé là-bas, ils sont partout. À vivre aussi, toujours qu'on travaille ensemble, toujours. Flora, donc toi, tu nous as un petit peu parlé de Comiti, mais comment ça s'est passé un peu le travail? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est, oui, est-ce que la danse, c'est important pour toi? Et cette danse, donc, finale, notamment, évidemment, ton personnage. Juste un peu de la musique. Pour moi, parce que je voudrais faire quelque chose de différent tout le temps. Je voudrais choisir un travail avec un musicien différent tout le temps. Et c'est toujours un découvrir d'un jeune musicien hongrois. Et c'est important pour moi parce que c'est en collaboration. Et avec Comiti, c'était un peu magique parce que c'est vraiment intuitif. Et j'ai acheté le nouveau album de Comiti. Et j'ai écouté et c'était vraiment résonné avec moi. Et après, il m'a envoyé un impro. C'était un ancien impro. Et il a fait plusieurs années avant. Et j'ai essayé dans l'animatique. Et c'était parfait. on n'a pas coupé. C'était parfait. Toutes les petites nuances, c'était là, avec, de, avec l'insecte. Toutes les choses, c'était là. Et c'était, c'était vraiment un impro faire pour mon film. Mais dans, dans le passé, c'était incroyable. Et de danse, c'est vraiment important pour moi parce que c'est un, aussi une forme de communication et c'est aussi un outil pour moi et pour exprimer de sensation de la caractère. Et il y a deux danses dans, dans le film, et dans The Middle of the Film. Il y a une vraiment festive, vraiment ouverte. Libre. Et fin de la film, il y a une autre danse. Et c'est vraiment claustrophobique, un peu fou, un peu intense, passion, vraiment crazy. Mais oui. qui est presque belle. C'est presque un moment de libération. Oui. Aussi, justement, parce que c'est un peu, mais plus de. C'est une petite chambre. Oui, c'est ça. Donc. Oui, il n'y a pas d'espace. C'est vraiment comme, comme le zoo. Ouais. Un peu. C'est drôle parce que moi je l'avais comme quoi, c'est ça qui est bien dans les films. Moi je l'avais presque vu comme justement elle est enfermée. Ouais. Et elle est enfermée comme elle le dit, elle en sort d'avoir une ouais. ceinture de chasteté, enfin c'est dur. Et que cette danse à la fin, il y a un côté ouais. un peu justement, même si j'ai quatre ouais. murs entre moi ouais. et même si j'ai pas d'espace, je vais gagner ouais. mon espace ouais. et je vais gagner ouais. ma liberté. C'est vrai. Et aussi pour moi, danser c'est de temps en temps, c'est la solution pour la frustration. Ah oui. Allez, avant, on vous a demandé si vous aviez des questions l'une pour l'autre, donc on va vous laisser. Juste avant, est-ce que tu peux nous parler très rapidement, alors je vais mal prononcer, Natasha Stork, oui, l'actrice qui joue Alice, oui. qui est une jeune actrice qui monte. Enfin voilà, tu nous parles un peu de son travail avec elle. C'était génial. Et, en fait, toute l'équipe de la cast, c'était de ma rêve. Okay, et ouais. c'était génial parce que c'était pendant Covid qu'on a fait des records, voice recording. Exactement, oui. Et on a un jour pour tous, pour toutes les wow. les choses. Et c'était magique. Je l'ai choisi parce qu'elle a de voice. Une voix, oui. Oui, voix, un peu similaire que moi, c'est un peu deep, c'est un peu. Comment dire, deep. Oui, un peu profonde, enfin, profond, quelque oui, chose. Oui, quelque oui chose. Un peu sérieuse, mais un peu aussi naïve. Mais fragile elle aussi, peut-être. Fragile, oui. fragile et douce aussi. Je l'ai vue dans plusieurs de films et j'aime beaucoup comme. Elle est très naturelle. C'était vraiment important pour moi qu'elle jouait vraiment comme elle vit, comme ouais. naturellement, oui. Rachel. Question à Flora. Petite interview croisée. Ok, d'abord, la première question, Flora. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton vrai anniversaire de 27? C'est marrant parce que le 27, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai fait mon film de fin d'études et j'ai habité dans l'école. Mais il y avait un canapé dégueulasse. J'ai dormi là. Je me suis réveillée dans le jour après. Il y avait une salle de sport juste à côté de l'université. Je suis allée prendre une douche. C'était 28, c'était plus, ouais. Plus intense. Mais oui. 27, c'était vraiment pas très intéressant. mais c'est un moment très important pour moi. Oui. Rachel. Ok, la prochaine question. Oui, ou la remarque que vous voulez. Oui, comme oui. vous voulez, mais on peut faire une, deux, trois questions chacune pour l'instant. On verra si on a un peu plus de temps, mais vas-y, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des easter eggs dans le film et est-ce que tu peux l'indiquer? Donc, est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce qu'il y a des choses un peu cachées, on va dire, dans le film? Oui, il y a beaucoup de choses. Je veux dire parce que il y a beaucoup de mots en croise dans la scène bar, dans le bar, quand Colin Beauvais. Il y a plein de choses écrites sur la table. C'est vraiment fuck Orban, fuck Poutine, fuck the war. C'est ça, il y a même Poutine en effet. Oui, oui, mais aussi il y a une phrase. Je ne sais pas si j'ai du courage. Mais c'est, en anglais, c'est the National Film Institute of Hungary didn't give money for this film. Ah, mais avec beaucoup de mauvais mots. Donc on va traduire quand même, donc le Fonds National du Film, donc le CNC hongrois, n'a pas donné d'argent pour ce film. Donc en gros. Ce qui veut juste dire, on fait une petite parenthèse, pardon, mais qu'à un moment, c'est que, je sais que notre réalisatrice Rébuchet en avait parlé, ça reste un monde, c'est compliqué encore ici, mais vraiment de vieux maîtres hommes. Ouais. En Hongrie encore, et qui donne de l'argent. Oui, exactement. Souvent à d'autres hommes, même pour des longs métrages. Il y avait toute une histoire sur un long métrage vraiment pas bon. Il y a eu beaucoup d'argent qui avait été donné parce que c'était un homme, enfin. Ouais. Donc ça reste encore dur. C'est dur, c'est maintenant, c'est dur. Mais, mais maintenant, c'est chaud. Après, le Palme d'Or, c'était vraiment chaud pour eux. Parce qu'elle a reçu beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. C'était vraiment incroyable. Ouais. Rachel? Oui. Est-ce que tu jamais avais d'incident avec la police? J'avais deux incidents avec la police. Quand j'ai eu 16 ans, j'étais arrêtée pour skinny dipping en Roumanie. C'est skinny dipping, c'est donc voilà, comme on a dit, un peu bain de minuit. Oui, voilà, donc, c'est un bain de minuit. C'était un peu intense. Et deuxième, c'est dans la film, en fait, parce que j'ai eu 28 ans dans ce moment, peut-être 27, et j'étais bourrée et j'étais en vélo en train de chez moi et j'ai écouté de la musique, j'ai chanté, j'étais vraiment chaos. Et j'ai un accident, j'ai tombé en face de cinq officiers de police. mais il a appelé de l'ambulance. Ambulance, bon, c'était plutôt sympa, c'était plutôt bien fini, d'accord. C'était vraiment un moment. Mais oui. Attends, j'imagine. À toi, Flora, c'est trois questions déjà pour Rachel. Rachel. parce que, ok, je vais débuter avec la deuxième question, en fait. Combien de fois as-tu changé de l'appartement et de pays pendant la production? Ouais, c'est drôle parce que vraiment, si on compte le développement, on peut dire que ça commençait en Israël, après Autriche, après Danemark, après Israël encore, après la France, et c'est tout. Ça, c'est le pays. Mais en France, après, l'appartement, oui, à Vienne, et au Danemark, et en Israël, à Tel Aviv, et deux. Après, oui, non, à Tel Aviv, deux. C'est compliqué. Après, en France, trois. À Paris, à Vendôme et à Paris encore. Oui, alors, combien? Ça fait combien? Ça fait 8. Oui, mais est-ce Danemark aussi, c'est 9, non? Peut-être. Avec Danemark. C'est normal. Bah oui. Ah, au Danemark, c'était aussi deux fois parce que j'ai changé le logement là-bas aussi. Pour continuer, est-ce que ça aide ou est-ce que ça complique les choses? Ou au contraire, comme c'est un film sur, où tu reviens sur ton passé, sur, je sais pas, les complications, est-ce que ça aide ou ouais? Bah, ok, peut-être ça peut motiver, mais ça aide pas. Mais ça aide pas, c'est C'est plutôt fatigant. C'est vraiment fatigant. C'est un peu l'une des complexités d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir des résidences, mais finalement... Ah oui. Mais de temps en temps, ça aide quand tu peux finir en phase de la production, ça peut aider. Ouais. Ça peut aider, oui, ben, c'est vrai. Normalement, c'est vraiment fatigant. Mais sinon, c'est fatigant. Tu as travaillé avec une technique vraiment intéressante et tu as utilisé une chambre noire. Comment tu peux construire chaque fois quand tu es déménagé? Alors ici, j'ai besoin de remercier mon partenaire Noam et mon copain aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais en fait, on a travaillé sur la technique du film ensemble et c'est lui qui a construit chaque fois la chambre noire. Alors, je vous le remercie pour ça. Mais pour beaucoup d'autres choses, je vous promets. Mais oui, il a créé vraiment, on a créé ensemble cette technique. Et il vient de photographie. Et il a construit d'abord, et c'est pour ça que j'ai commencé, parce que d'abord, avant j'ai fait le sérigraphie, après j'ai changé avec Noam et à tirage de noir et blanc. Et là, c'était parce qu'on a, en fait, il a construit une chambre noire à Tel Aviv d'abord. Ça, c'était la première. Après, on a fait une autre au Danemark, à Vienne, et après en Israël encore, à Tel Aviv. Après ici, chaque fois qu'on a déménagé, il a construit une chambre noire. Vraiment, il est le vrai hero de ce tournage. C'est un chou. Oui. La troisième question, parce que tu as fait le film, et dans le même temps, c'était ton émigration en France. Et comment tu as trouvé l'équilibre? Oui. Pendant la production et juste avec l'immigration. Oui, en fait, ça, c'est une question pour nous deux, pour ce qu'on a fait tous les deux. Et oui, c'était pas facile. Et vraiment, je vais vous dire que Miu, la société, aidait beaucoup. Elle nous a aidé beaucoup avec toutes les administrations et tout ça d'abord. Et c'était, je pense que sans eux, c'était pas vraiment possible, parce que l'administration française, d'abord, c'est compliqué. Et c'était très, très intéressant. Je pense que j'ai grandi. Je suis une adulte maintenant. mais là, j'ai compris que ça, peut-être, c'est la vie, parce que toujours, il y a beaucoup de choses à faire dans le même temps. Alors, oui, c'était pas facile. Comment c'était pour toi aussi? Ça, c'est J'ai pas trouvé l'équilibre de « I'm asking you ». Non, moi aussi, moi non plus. C'est maintenant, j'espère, peut-être, je commence petit à petit, la chaos de tournage, de production, de tout ça, de chercher un peu d'équilibre, parce que sinon c'est... Oui, mais je pense qu'on s'aide beaucoup, parce que moi et Flora, en fait, on fait des jours d'administration française ensemble. C'est une petite fête qu'on fait. Et c'est drôle, c'est pas mal. Est-ce que vous buvez un petit truc à chaque fois que vous avez fini une étape? Oui, bien sûr. On boit un petit quelque chose pour se dire, allez, on a réussi ça. Exactement. Et après, quand le jour est fini, c'est génial. C'est comme... Là que l'administration en Israël et en Hongrie est plus facile? Enfin, c'est ce qui est possible, hein, Oui. C'est bizarre, parce que je détestais l'administration en Hongrie, mais en France, c'est vraiment pire en France. Mais je peux vous dire qu'en Israël, c'est plus facile, mais après, tu ne reçois rien. Alors, c'est pas très efficace. Alors, on aurait pu passer beaucoup plus de temps. Il y avait des choses dans Via Dolorosa. Il y a plein de plans de Jérusalem, de cartes. En effet, on n'a pas parlé trop de l'esthétique et du visuel, mais qui est très important dans vos deux films, comme dit Marie-Pauline. Hein, moi, je ne connais pas Budapest, mais je suppose que, je sais pas, il y a des choses très, très fortes, comme vous disiez, dans les films, qu'on comprend peut-être quand on connaît mieux la ville. Donc, il y avait plein d'autres choses, mais le temps passe. Alors, je ne sais pas, l'émission d'après... Alors, de pas vraiment être là, ils sont là, mais en plus, comme ils font toute la nuit, ils se disent peut-être, ils sont en train de se saouler dans le côté pour faire. Vous avez déjà, donc tu nous en as un petit peu parlé, toi, Flora, vous avez déjà des projets pour après travailler, parce qu'il faut bien aussi le court-métrage, c'est bien. Je sais pas, est-ce que vous travaillez sur des projets, par exemple, de Miu, ou est-ce que vous avez déjà, vous écrivez encore là le prochain film, enfin, vous en êtes où là? Ou alors non, vous profitez pour l'instant juste d'avoir déjà terminé le film, et c'est déjà bien, et vous profitez déjà un peu de repos. C'est bien défini, alors je n'ai pas de temps vraiment de développer quelque autre chose, mais maintenant je vais commencer au Frénois l'année prochaine, alors ça m'occupe un peu. Ça c'est chouette, oui. Bravo. Le Frénois donc. Si vous entendez des bruits, c'est les bruits de couloir de la prochaine émission. Ils vont faire toute une nuit, donc il faut un petit peu, donc on ne veut pas leur en vouloir, évidemment. Flora, dernier mot donc sur... Un peu la même chose sans Frénois. J'ai dû collecter mes idées. C'est aussi une histoire de vient d'Hongrie, ouais. De la campagne, parce que c'est un peu... Je ne suis pas sûre que, maintenant, mais c'est un peu le trauma transgénération. Aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec moi maintenant. C'est vraiment... going back to the roots. Donc revenir aux racines. Merci infiniment pour votre français impeccable. Bravo, merci d'avoir beaucoup. Fait. On n'a même pas merci fait de mon beaucoup. Anglais, vraiment. Mais merci. Vous retrouvez tout le monde après Marie-Pauline. Ce qu'on va juste écouter, juste peut-être le temps que l'autre émission arrive. Pour les grands fans, pour les gens qui sont assez âgés, il y avait une série qui s'appelait Spider-Man. Vous vous rappelez, avec le personnage. Et ce que vous allez entendre, c'est un morceau de Charles Mingus, et qu'on parle tout le temps des choses qui sont reprises ou pas. Vous allez entendre que le début de ce morceau de Charles Mingus, donc grand contrebassiste jazz, ressemble énormément au générique. On pourra évidemment couper en plein milieu, mais j'adore ce tout début. Merci infiniment Rachel, Flora, merci pour beaucoup. Être venue. Merci, et merci bien sûr merci. Nicolas, l'équipe Marie-Pauline, que vous retrouvez de toute façon juste après, pas encore soul, mais bientôt. Et merci à Nicolas évidemment pour sa réalisation. À très vite, bye bye. We'll be right back.